donnant cet ordre, melodica, vous avez employé ce qu'on appelle un impératif, dica. Mais cette forme, on la trouve aussi au subjonctif. Voyons un peu ce que c'est que ce subjonctif qui s'emploie beaucoup en italien comme en français. Et d'abord, quand s'emploie-t-il en français? Si je dis par exemple, il est possible qu'elle ne vienne pas, qu'est-ce que c'est que vienne? Un subjonctif? Oui, c'est ça. On ne dit pas il est possible qu'elle ne vienne pas, mais il est possible qu'elle ne vienne pas. C'est un subjonctif. Un autre exemple, si vous voulez dire vous devez être là à 3 heures, vous pouvez aussi dire il faut que vous soyez là à 3 heures. Voilà, il faut que vous soyez là et non il faut que vous êtes là. De même, on ne dit pas à quelle heure voulez-vous que je suis là, mais que je sois là. C'est ça, c'est encore un subjonctif. Bien. Nous allons voir maintenant comment se forme le subjonctif italien. En fait, c'est tout simple. Commençons par le subjonctif présent des verbes en are, disons le verbe parlare. Au singulier, le subjonctif, c'est comme quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on vous voit, c'est-à-dire parler. Comment diriez-vous ça? Parler. Parler, c'est ça, oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut réutiliser ce « parli » pour toutes les formes du singulier. « Que je parle », c'est « che io parli ». « Que tu parles », c'est « che tu parli ». « Qu'il parle », c'est « che lui parli ». « Qu'elle parle » ou « que vous parliez » pour le vouvoiement, c'est « che lei parli ». Donc, c'est « parli » à toutes les personnes du singulier. Vous remarquez que, pour éviter tout malentendu, on exprime souvent le sujet, c'est-à-dire « io, tu, lui et lei ». Ce n'est pas systématique, mais c'est fréquent. Pour « il » ou « elle » au pluriel, on a « parlino ». C'est logique. « Parli, parlino ». Pour nous, il n'y a pas de différence entre « nous parlons » et « que nous parlions ». Nous parlons, c'est parliamo. Parliamo, c'est ça. Que nous parlions, c'est che parliamo. Là, je n'ai pas dit le sujet noi, puisqu'on ne risque pas de le confondre avec une autre personne. Pour le vous pluriel, pour voi, au subjonctif, on a parliate. Là, on fait la distinction entre vous parlez, parlate et que vous parliez. Par exemple, dans une phrase comme « Je veux que vous parliez »,« Voglio che parliate ». Au singulier, on a « parli », comme je vous disais tout à l'heure. « Je veux que tu parles »,« Voglio che tu parli ». Et « il ou elle » au pluriel, « Je veux qu'il ou elle parle », comment diriez-vous ça? Voglio che parlino. Oui, voilà. Voglio che parlino. Vous passez du je parli au il ou elle pluriel. Parlino. Parlino. Je répète que la clé, le point de départ, c'est je. Parli, che io parli, que je parle. Parlino. Che parlino, qu'il ou elle parle, au pluriel. Ce parli, vous le retrouvez partout au singulier. Par contre, c'est différent pour nous. Comment dit-on que nous parlions? Che parliamo. Che parliamo, oui. Et que vous parliez à la forme voi? Che parliate. Che parliate, c'est ça. Voilà la distinction qu'on fait en italien, au pluriel, entre le subjonctif et l'impératif des verbes en are. Pour les autres verbes, quels qu'ils soient, c'est vraiment très facile. Prenons par exemple le verbe partire. Comment donneriez-vous à quelqu'un que vous voyez l'ordre de partir, c'est-à-dire partez? Parta. Parta, tout à fait. Eh bien, avec ce parta, vous avez maintenant le point de départ pour former toutes les autres personnes du subjonctif. Comment direz-vous que je parte? Che io parta. Che io parta. Que tu partes? Che tu parta. Che tu parta. Comment direz-vous qu'il parte? Che lui parta. Che lui parta. Et qu'elle parte ou que vous partiez si vous voyez votre interlocuteur? Che lei parta. Voilà. Et pour il ou elle au pluriel, c'est facile à deviner. Partano, che partano. Oui, che partano. Donc on a parta pour je et partano pour il ou elle au pluriel. En ce qui concerne nous, à votre avis? Che partiamo? Absolument. Che partiamo. On a partiamo au présent, nous partons, pour donner un ordre, partons. Et au subjonctif, que nous partions. C'est la même chose dans les trois cas. Partiamo. Par contre, pour le vous pluriel, voi, le subjonctif est différent. Comme vous me l'avez dit, que nous partions se dit... Che partiamo. Che partiamo. Donc, d'après vous, comment dit-on que vous partiez? Che partiate. C'est tout à fait ça. Che partiate. Vous voyez la différence entre vous partez et que vous partiez. Par exemple, dites-moi, je veux que vous partiez avec moi, toujours avec voi. Voglio. Che partiate. Voilà, voglio che partiate avec moi. Con me. Voglio che partiate con me. Voglio che partiate con me. Par contre, si vous voulez dire à quelle heure partez-vous, toujours avec voi, que direz-vous? A che ora partite? Voilà. A che ora partite? Ici, le subjonctif se distingue du présent. Partite au présent. Partiate au subjonctif.